marche à la mort. Yo, troisième round. Yeah, yeah. Arrigo contre Smith. Oh yeah, let's get ready to rumble. Arrigo, il est mort. Arrigo, y'a pas de mots, mais sa tête en trop. J'suis à cause de son flow. Après un punch, il KO. Fallait j'te pète, passe tes lettres, là tes fesses, c'était bête. Tu te fais mettre, t'en as de l'os, tu es stade, you gonna get. Arrigo, t'es wack, fait que j'te frappe. Quand t'embarques sur une track, mes oreilles craquent. En plus, tu t'es fait battre en première ronde. Là, tu tombes, tu succombes, à ta place, j'aurais honte. Mais tu pompes comme une bombe, la vérité, c'est que je vais t'éclater. T'as sûrement jamais maté, rien peut m'arrêter. Je vais te botter, même avec ton style retardé. Yo, c'est fini le niaisage là. Sniss. T'as te battre pour vrai. Arrigo, t'es mort. T'es un peu comme une diarrhée. T'as beau avoir un bon flow, ça reste que c'est juste de la merde. Tu frontes depuis le début comme un con parce que t'as rien à perdre. J'suis un autre fou MC qui vient sur net pis qui se la pète. Arrigo, c'est une travestie qui se fait mettre un style tapette. Le cliché, un Mexicain qui fait des pipes pour survivre. Quand j'ai compris que c'était pas pour fumer, j'ai resté surpris. Tu dis que t'es une recrue, mais shit, ça fait déjà 10 mois que tu pites. Tu vas avoir ta dose de punch, t'écris si tu veux pas, j'te kick. T'as trop fronté, fait que fallait que j'te casse les jambes. Évite de rester réveillé parce que juste dans tes rails. Que tu passes un round, j'tasse les grandes tapettes comme Arrigo. T'es capable de chier les rimes juste à cause que tu manges tes mots. Juste un wack de Saint-Jérôme que je slack avec la paume de mes mains. Je veux te tuer après le match, fait qu'il faut que je te close. C'est une vieille peau morte, tout le monde sait que mes rimes sont trop fortes. T'es une grosse clope, tu dis que t'as des lyrics, mais c'est une fausse force. Je te gâche que t'auras même pas le guts de te pointer, c'est Arrigo, t'es juste un sale wack, fait que je te matraque de mots. Ta stupidité frappe trop, j'en ai ma claque d'Arrigo. Comme le temps s'en allant vers l'ouest, t'es retardé. T'as trop parlé, fait qu'à ce temps tu peux plus te démarder. C'est la première fois que je vois un rappeur de la campagne. Ça donne qui contre moi, je peux déjà sortir le champagne. Tu pourrais rapprocher ton siège, je veux voir les finales de proche. Mais ce qui est poche, c'est que tu vas juste pouvoir regarder. Je vais te frapper, sois assuré que je vais te la couper sec. T'es pas un oiseau, j'ai pas de marteau, je vais te clouer le bec.